Divertissement. L'émission qui va suivre s'adresse à un auditoire avisé car elle comporte des choix musicaux très rock et dérangeants, ainsi que des propos déstabilisants de la part du dérangé Dr. Pendragon. Les âmes sensibles sont priées de s'abstenir et de choisir plutôt immédiatement une station de balade ou de pop gumballoon. Nous préférons vous en informer. Vendredi après-midi, le papier, le tabac, le briquet, rock classique. Allez le faire. Et le docteur Pendragon. Won't you listen? Bonjour, bienvenue à cette émission classique. Je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les 7 prochaines heures en compagnie de l'épouvantable Dr. Pendragon qui toutefois se joindra à nous seulement dans à peu près une heure. Émission de 7 heures donc aujourd'hui car je vous en présente une très spéciale. Elle est entièrement consacrée à l'année 1966, une année absolument fantastique au cours de laquelle il s'est passé des choses absolument extraordinaires qui ont eu un impact majeur sur la suite et le cours de l'histoire du rock depuis les 50 dernières années. 1966 a marqué l'histoire car ça a été le début de l'expérimentation et du métissage à l'intérieur du mouvement rock and roll. Le prestigieux magazine anglais Classic Rock a même statué que 1966 avait été l'année qui avait tout changé pour le rock, the year that built rock, avec des artistes majeurs et infiniment influents comme les Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, Cream, Paul Butterfield Blues Band, Buffalo Springfield, Birds, King, Sonics, Simon & Garfunkel, 13th Floor Elevators, Lee Who et Frank Zappa. On va entendre du hard rock, du folk rock, du rock and roll et bien sûr du rock psychédélique. En outre, je vais vous faire tourner une face complète de non pas seulement un, mais bien deux albums vinyles classiques parmi les plus importants de l'histoire du rock, deux des plus influents. Je vais vous présenter là-bas Pet Sounds des Beach Boys ainsi que Revolver des Beatles qui sont sortis il y a exactement 50 ans, bien sûr, en 1966, évidemment. Dans la première heure, nous allons présenter notre portion traditionnelle qui fait place à l'histoire, soit les éphémérides, les nouvelles du rock, la chronique des groupes obscurs qui est consacrée à la formation psychédélique The Seeds, qui a fait carrière comme ça à la fin des années 60. Et aussitôt que le docteur sera avec nous, nous allons vous présenter nos beaux programmes d'antan, la capsule « Ça passe ou ça casse », ainsi que la fameuse chronique de la faune et les amateurs de rock du doc. Donc, encore une fois, une autre émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Question de débuter en très grande force et de se mettre dans le bain pour les éphémérides, je vous propose d'aller écouter un des morceaux les plus mémorables d'un homme qui célèbre aujourd'hui même, 22 avril, son 66e anniversaire. Et oui, encore le chiffre 66. Je parle de Peter Frampton. Avec la pièce « I'll give you money » de 1974, vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai de vrai rock à Trois-Rivières. Cherchez pas ailleurs, il y en a pas d'autres qui font. Juste nous, assez fous pour le faire. Sweet as honey. Peter Frampton avec I'll Give You Money. C'est la pièce qui clôture son album Frampton, paru en 1974. Et aujourd'hui même, c'est l'anniversaire de naissance de Peter Frampton, puisqu'il est né en 1950. Ça lui donne donc 66 ans en ce 22 avril. Vous êtes à l'émission Rock Classic et comme la tradition le veut, c'est maintenant l'heure de passer à ceci. Les éphémérides. C'est au son de ce Big Bang initial que nous faisons maintenant un retour dans le temps sur la fascinante, fantastique histoire du rock. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire dans la journée du 22 avril? En 1964, en Angleterre, le président de la Fédération des coiffeurs annonce qu'il offre une coupe de cheveux gratuite au prochain groupe qui atteindra la première position des palmarès. Ce singulier personnage a déclaré dans les journaux que le groupe le plus mal coiffé, selon lui, était les Rolling Stones. Et il a par le fait même précisé « Un des membres des Stones a même l'air de porter un plus beau sur la tête. » Évidemment, c'était Keith Richards. En 1966, The Trucks lançait Wild Thing, un morceau écrit par Chip Taylor, le frère de l'acteur John White. Wild Thing qui a été reprise de façon spectaculaire par Jimi Hendrix au festival de Monterey. Pièce qui a beaucoup influencé les groupes de garage et de punk rock par la suite. En 1969, John Lennon changeait de son second prénom, Winston, pour celui de Ono. Winston qui avait été inspiré par Winston Churchill, qui était un héros en Angleterre au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, John a décidé de prendre celui de Ono en 69. Toujours en 69, Lee Who présentait pour la première fois Tommy dans son entièreté, cet opéra rock, pour la première fois à Dalton, en Angleterre. En 72, Deep Purple trônait au sommet des palmarès des ventes d'albums britanniques avec Machine Head. En 79, les Rolling Stones donnaient un concert pour les non-voyants à Toronto afin de satisfaire aux conditions de la cour dans la cause de Keith Richards, qui avait été accusé de trafic d'héroïne. En 1998, Faith No More annonçait leur séparation. Mike Patton s'est joint à Mr. Bungle un peu après. Malheureusement, ils ont eu la mauvaise idée de revenir, je trouve, il y a quelques années. Ils ont fait, à mon avis, un bien mauvais album l'été dernier, en 2015. Ainsi qu'une prestation assez moche au Heavy Montreal. En 2008, finalement, Whitesnake lançait Good to be Bad afin de souligner leur 30e anniversaire. Un assez bon album de hard rock. Et c'est ce qui complète les éphémérides du 22 avril. Nous allons aller en musique avec, justement, une pièce tirée de cet album Good to be Bad de Whitesnake. La pièce Best Years. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus de Trois-Rivières, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai, de vrai, de vrai rock à Trois-Rivières. Cherchez pas ailleurs, nous sommes les seuls assez fous pour le faire. Deep Whitesnake avec la pièce Best Years qui ouvre leur album Good to be Bad, paru en 2008. Très bonne pièce. Un très bon album de hard rock pour un album de retour pour Whitesnake à l'époque. Eux qui n'ont vraiment pas été toujours très géniaux, n'est-ce pas? Vous êtes à l'émission Rock Classique. Nous en sommes maintenant venus à ce segment de l'émission consacré aux actualités. Voici maintenant les nouvelles du rock. La grosse nouvelle de la semaine est tombée samedi dernier quand AC/DC ont annoncé que le chanteur Axl Rose de Guns N' Roses prendrait la place de Brian Johnson. L'annonce a été faite quelques heures avant que Guns N' Roses ne se produise sur la scène du festival Coachella en Californie. Premier spectacle majeur qui réunissait Axl Rose et Slash, ces deux-là qui étaient en foi depuis plus de 20 ans. Axl Rose va faire ses débuts avec AC/DC le 7 mai à Lisbonne. Pour une série de 12 concerts en Europe, Axl va ensuite revenir en Amérique du Nord pour la tournée de Guns N' Roses prévue dans 20 grandes villes américaines ainsi qu'à Toronto. AC/DC ont laissé planer le doute quant à la durée du remplacement. On se rappelle que les médecins de Brian Johnson lui avaient conseillé d'arrêter la tournée immédiatement au risque de perdre complètement l'audition et que le groupe avait dû reporter plusieurs dates de concerts qu'ils ont promis de donner plus tard avec un autre chanteur en remplacement de façon laconique lors de l'annonce du remplacement de Brian par Axl Rose. Les membres des AC/DC ont exprimé dans un communiqué de presse qu'ils souhaitent remercier Brian pour ses contributions et son dévouement au groupe au cours des années. Ils ont ajouté « Nous lui souhaitons le meilleur avec ses problèmes d'audition et ses entreprises futures. Bien que nous aimerions que cette tournée s'achève comme elle a commencé, nous comprenons, respectons et soutenons la décision de Brian d'arrêter la tournée et de préserver son audition », a conclu AC/DC. Quelques heures après l'annonce d'AC/DC, Angus Young est monté sur scène au Coachella pour rejoindre Guns N' Roses pour interpréter le classique « Old Lotta Rosie » dans lequel Axl Rose a fait très bonne figure au vocal, malgré le fait qu'il doit chanter assis puisqu'il s'est cassé le pied il y a quelques semaines. Donc, côté scénique, c'est pas extraordinaire, mais côté vocal, c'est vraiment bon. Il s'est fracturé le cinquième métatarse lors du concert surprise que la formation avait donné le 1er avril dernier. Il était tombé alors qu'il chantait Mr. Brownstone, mais de façon surprenante, il avait continué tout de même le concert. Plus tard, sur Twitter, Axl a écrit « C'est ce qui arrive quand vous faites quelque chose que vous n'aviez pas fait depuis 23 ans. » Il a été opéré la semaine dernière, mais il a tenu à donner tout de même les concerts de la tournée de reformation des Guns, intitulée « Not in the Lifetime », le pied dans un plâtre qu'il devra porter pendant 4 semaines. Depuis un concert donné à Las Vegas le 8 avril dernier, Axl Rose chante donc assis sur un trône pour alléger le poids sur son pied. Et ce trône, c'est le même que Dave Grohl, le chanteur des Foo Fighters, a utilisé l'année dernière. Dave Grohl a prêté son trône à Axl Rose afin qu'il puisse assurer la suite de sa tournée. De son côté, Brian Johnson a déclaré mardi qu'il compte enregistrer de nouveau en studio et peut-être, grâce à un traitement médical, revenir sur scène éventuellement. Le chanteur britannique de 68 ans a déclaré dans un communiqué « Je voudrais assurer à tous nos fans que je ne prends pas ma retraite. Mes médecins m'ont dit que je pouvais continuer à enregistrer des disques en studio et c'est ce que j'ai l'intention de faire. » Brian a ajouté « De faire partie des AC/DC et de la vie de millions de fans depuis 36 ans représente toute ma vie. Je ne peux m'imaginer l'avenir sans faire partie du groupe, mais pour l'instant, je n'ai pas le choix. Une chose est sûre, même si je n'y serai pas toujours en personne, j'y serai en esprit à chacun de leurs concerts. Pour le moment, je me concentre sur le traitement médical pour améliorer mon audition, a-t-il annoncé. J'ai l'espoir qu'avec le temps, mon ouïe s'améliore et me permette de participer de nouveau à des concerts. Même si l'issue est incertaine, je reste optimiste, a-t-il conclu, tout en remerciant Angus Young et le bassiste Cliff Williams pour leur appui, en ajoutant « J'avais de la difficulté à entendre les guitares sur scène et comme je n'arrivais plus à entendre les autres musiciens clairement, j'avais peur que la qualité de mes performances soit compromise et je n'avais pas envie que ce soit le cas pour ne pas décevoir les fans ni embarrasser les autres membres du groupe. » Un autre pour qui ça va mal, c'est Ace Frehley, chez qui on a diagnostiqué un état d'épuisement après qu'on ait dû l'hospitaliser vendredi dernier. On a dû annuler un concert à New York après que le guitariste se soit écroulé après un spectacle dans la ville de Wilkes-Barre en Pennsylvanie. Il semble qu'il est au repos pour le moment, mais ses médecins sont convaincus qu'il sera complètement rétabli sous peu. Pendant ce temps-là, Kiss ont donné un spectacle à Troyes vendredi dernier en Californie après que le chanteur Paul Stanley ait subi une blessure au bras et soit lui aussi mis au repos. Gene Simmons, Tommy Thayer et Eric Singer ont donc donné un concert caritatif en tant que trio au cours duquel ils ont interprété 4 morceaux parmi lesquels figuraient Cold Gin et Rock and Roll All Night. Dans un communiqué de presse, Paul Stanley a déclaré « Je me suis déchiré un tendon dans le biceps. Une intervention chirurgicale l'a rattaché avec une vis et des points de suture. Pour le remettre en place, je vais être complètement remis pour entreprendre la prochaine tournée. » Grosse nouvelle aussi vendredi dernier quand on a appris que les Rolling Stones, Paul McCartney, Bob Dylan et ou encore Neil Young pourraient être réunis pour un festival en Californie l'automne prochain, un événement historique que des promoteurs préparent actuellement selon le quotidien. Los Angeles Times, le journal, sans citer ses sources, a précisé que les organisateurs du festival Coachella, qui a commencé vendredi dernier dans le désert californien et qui se poursuit en fin de semaine, veulent réunir 6 légendes du rock pour un festival du 7 au 9 octobre qui se tiendrait au même endroit. The Who et Roger Waters seraient également de la partie. Le journal a fait remarquer que tous les artistes qu'on retrouve sur cette affiche sont septuagénaires, à l'exception du guitariste des Stones, Ronnie Wood, qui n'a seulement que 68 ans. Chose qui ne les empêche pas d'attirer toujours les foules à chacune de leurs représentations. Si le projet se concrétise, ce sera la première fois que Bob Dylan et Paul McCartney partageront la même affiche, a relevé le journal. Selon l'agence France Presse, le festival d'octobre pourrait être la dernière représentation donnée par The Who, ses membres ayant laissé entendre que leur retraite était imminente. Leur tournée devait se terminer le mois prochain, mais ils ont déjà ajouté des dates en juin pour participer à des festivals en Europe. Afin de souligner le 40e anniversaire de leur album Jailbreak, Thin Lizzy ont annoncé des concerts auxquels vont participer le bassiste d'Aerosmith, Tom Hamilton, et le batteur de Judas Priest, Scott Travis. Ces concerts ont pour but de souligner le 30e anniversaire du chanteur iconique, je dirais, Thin Lizzy, Phil Lynott. Le groupe comprend le guitariste Scott Gorham, le chanteur Ricky Warwick, le guitariste Damon Johnson et le claviériste Darren Wharton. On avait initié spécialement approché le batteur de Montréal, Mickey D, mais ce dernier s'est désisté pour des raisons qui seront annoncées, semble-t-il, prochainement. Et finalement, dans le domaine de l'étrange, alors que le Record Store Day était célébré samedi dernier, un sondage a révélé qu'en Angleterre, près de la moitié des consommateurs de vinyle ne font jamais jouer les disques qu'ils achètent. En effet, le même sondage nous apprend aussi que le même pourcentage de gens ont acheté leur disque après avoir eu recours à un service de streaming. Bien que les ventes de vinyle soient en hausse avec 637 000 exemplaires vendus en Angleterre dans le premier quart de cette année, alors qu'il s'en est vendu en tout 2,1 millions pour toute l'année 2015, 52% des acheteurs de vinyle possèdent une table tournante alors que 41% disent posséder une table tournante mais ne pas l'utiliser. 7% des acheteurs de vinyle ne possèdent même pas de table. Parmi les tranches d'âge qui achètent le plus de vinyle, on retrouve les 25-34 ans qui achètent un tiers des vinyles, suivi des 35-44 ans, des 45-54 et des 18-24 et finalement, à la fin de tout, les 55-64. Le président de l'Association de l'industrie phonographique anglaise, Jeff Taylor, a expliqué que selon lui, les mélomanes les plus jeunes découvrent la musique au moyen de plateformes numériques, mais qu'ils préfèrent collectionner les vinyles. Ils apprécient le format pratique des Spotify, Apple Music et Google Play, mais désirent posséder et collectionner sur vinyle les albums des artistes qu'ils apprécient. Le président de l'étiquette Sony Music International, Edgar Berger, est d'accord avec cet énoncé. Des gens sont abonnés à des plateformes de streaming car ils en apprécient le côté pratique, mais ils achètent quand même des vinyles. Le streaming, c'est pour le côté pratique. Le vinyle, c'est pour que l'expérience soit complète et totale. Et c'est ce qui complète les actualités de cette semaine. Nous allons aller en musique avec AC/DC avec un morceau tout à fait approprié selon l'opinion qu'ont certains de leurs fans suite à leur désir de persévérer malgré les déboires de leur chanteur. Money Talks, vous êtes sur les ondes de la seule station à diffuser du vrai, de vrai rock à Trois-Rivières. Cherchez pas ailleurs. Nous sommes les seuls assez fous pour le faire. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie de moi-même, Alain Lefebvre. Cette émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Le Dr. Pendragon va se joindre à nous un peu plus tard dans l'émission. Nous en sommes maintenant venus à la chronique des groupes et des artistes obscurs. Cette semaine, je vous présente une formation de la côte ouest des États-Unis, de la Californie plus précisément, et qui a débuté sa carrière il y a 50 ans, en 1966. Je parle de The Seeds, quatuor de rock de garage psychédélique formé en 65 et qui tournait autour du charismatique chanteur et bassiste Sky Saxon. Saxon, qui, de son vrai nom, Richard Marx, avait débuté sa carrière au début des années 60 sous le nom de Little Richie March. Il faisait une forme de pop sucré de style doo-wop pour ado. Il a changé son nom pour celui de Sky Saxon quand il a joint deux groupes de Los Angeles, soit les Soul Rockers et les Electrifiers, juste avant de former les Seeds en 65 avec le batteur Rick Andrich, le guitariste Jan Savage et le claviériste Daryl Hooper. Le son des Seeds était très agressif, rugueux, primitif et sauvage, complètement dominé par la voix plaintive mais possédée de Saxon et par le piano électrique de Hooper. Leur premier album homonyme est paru en avril 1966 et renfermait deux gros succès, soit Pushing Too Hard et Can't Seem to Make You Mine, qui ont vraiment fait un tabac sur les palmarès américains. Ils étaient très productifs, les Seeds, et à l'automne suivant, ils ont fait paraître un deuxième album intitulé Web of Sounds. Question de vous donner une idée de ce qu'avait l'air la musique des Seeds sur ces deux premiers albums, je vous propose d'écouter trois morceaux qu'on y retrouve, les trois plus grands succès du groupe. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes est la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai rock obscur à Trois-Rivières. C'est fou, 89.1 FM. Rock classique 89.1. La formation californienne The Seeds, d'où nous venons d'entendre les trois pièces les plus connues qu'on retrouve sur leurs deux premiers albums. Nous venons d'entendre Mr. Farmer, hein? Ça allait bien avec les seeds, avec les semences. Pièce qui, si je ne m'abuse, on l'entendait dans le film Almost Famous de Cameron Crowe, qui est sorti il y a quoi, une vingtaine d'années. C'était tiré à l'origine de l'album Web of Sounds, leur deuxième album paru en octobre 66. Juste avant ça, nous avons entendu deux morceaux tirés de leur premier album homonyme qui lui est paru en avril 66. Il y a 50 ans exactement. On a entendu Pushing Too Hard précédé de Can't Seem to Make You Mine. Les Seeds ont quand même eu beaucoup de succès avec les trois morceaux qu'on a entendus. Toutefois, ce succès s'est arrêté par la suite. Leur troisième album, Future, de 1967, en était un concept et même s'il est monté dans le top 100 du Billboard, il a été considéré comme un échec commercial. Par la suite, ils ont fait paraître un album en spectacle intitulé Raw and Alive, The Seeds in Concert at Merlin's Music Box en 68 et un quatrième album studio en 69 intitulé A Full Spoon of Seedy Blues qui est sorti sous le nom de Sky Saxon Blues Band, mais ils sont totalement passés inaperçu. Les Seeds se sont séparés par la suite. Le guitariste Ian Savage est devenu policier dans la ville de Los Angeles, alors que les autres sont disparus dans l'anonymat le plus total. Sky Saxon, lui, a continué à faire carrière dans la musique pendant de nombreuses années avant de devenir un gourou mystique dans une secte hawaïenne. Il a longtemps été considéré comme un vieux hippie resté accroché, victime de la contre-culture et de la consommation de drogue. À l'instar de Rocky Erickson, des 13th Floor Elevators, il est devenu une espèce de figure de culte des années 60. En 2002, il a reformé les Seeds avec de nouveaux musiciens pour donner des concerts en Europe et aux États-Unis. Il devait venir à Montréal donner un spectacle en vedette lors d'un petit festival de rock psychédélique à l'été 2009. Toutefois, quelques jours avant le concert qu'il devait donner, on a appris sa mort le 25 juin dans un hôpital d'Austin au Texas. Saxon est décédé à la suite d'une crise cardiaque, mettant fin ainsi à une saga fort intéressante. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Vendredi prochain, je vais vous présenter un autre groupe obscur, celui-là des années 70. Je vais vous présenter un groupe espagnol de rock à saveur latino du nom de Barabás. C'est donc un rendez-vous. Vous êtes à l'émission Rock Classic, en compagnie de moi-même, Alain Lefebvre, à cette émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Le Dr. Pendragon va se joindre à nous un peu plus tard dans l'émission. Aujourd'hui, je vous ai préparé un programme très spécial, car l'émission est entièrement consacrée à l'année 1966, une des plus importantes et riches en matière de rock. Comme je l'ai expliqué au début de l'émission, 66, c'est une année absolument fantastique au cours de laquelle il s'est passé des choses absolument extraordinaires qui ont eu un impact absolument majeur sur la suite et le cours de l'histoire du rock. Et cela, depuis les 50 dernières années, 1966 a marqué l'histoire car ça a été le début de l'expérimentation et du métissage à l'intérieur du mouvement rock and roll. Le prestigieux magazine anglais Classic Rock a même statué que 1966 avait été l'année qui avait tout changé pour le rock, the year that built rock, avec des artistes majeurs infiniment influents comme les Beatles, les Rolling Stones, Bob Dylan, Cream, Buffalo Springfield, les Birds, les Kings, les Sonics, les Who, Simon and Garfunkel, 13th Floor Elevators et Frank Zappa. Le rock se durcissait et s'intensifiait dans les garages de l'Amérique, comme vous allez pouvoir le constater dans le prochain bloc, puisqu'on va entendre Willie Sonics, Count Five, mais tout de suite, on écoute les Standals. Dirty Waters, vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières, c'est vous! Yeah. just I feel so bad. Cause you're the best girl that I've ever had. I can't get your love, I can't get affection. Oh, little girl, psychotic reaction. And it feels like this. The Sonics. Et oui, c'est de ça que ça avait l'air, ce qui se faisait de plus heavy et de détente en 1966. C'était la pièce Cinderella qui ouvre leur deuxième album Boom, paru en février 66. Et juste avant ça, on a entendu deux chansons qui sont sorties à l'origine en 1965, mais qui n'ont pas connu de succès à ce moment-là. C'est lorsqu'on les a rééditées en 1966 qu'elles sont devenues de gros succès. On a entendu Count Five avec Psychotic Reactions. C'est la pièce titre de cet album, le seul qu'ils ont fait. C'est paru en 45 tours et c'est monté jusqu'à la 5e place du Billboard en septembre 66. Et juste avant ça, nous avons entendu les Standals avec Dirty Waters, immense classique, paru en 45 tours et qui est monté jusqu'à la 11e place du Billboard le 11 juin 66, bien sûr. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie de moi-même, Alain Lefebvre, à cette émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, je vous présente une émission très spéciale. D'ailleurs, elle a débuté il y a une heure. Ça fait une heure qu'on est en onde, car elle est entièrement consacrée à l'année 1966, qui est une des plus importantes en matière de rock. Le docteur vient d'arriver et va s'installer et on va revenir avec lui un peu plus tard. Mais pour le moment, on va y aller avec encore du rock de garage assez intense, vraiment. Dans un moment, on va entendre les Pretty Things, on va aussi entendre The Music Machine, mais tout de suite, on écoute Them. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes est la seule, absolument la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! Sun goes down, and until the leaves of summer turn the shades of brown, I try, and I try, but baby, you know that I can only give you everything. Shadows fall, and when every little flower pulls and the birds call, I try and I try, but baby, you know that I can only give you everything. An only child, consume my reputation, something more than what I know it serves me right, but I can't sleep at night. Have to hide my face or go some other place. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I won't cry out for justice, admit that I was wrong. I stay in hibernation till the talk subsides to gone. My social life's a dud. My name is really mud. I'm up to hearing lies. I guess I'm down to size. To size. circulation. I've all but washed my hands. My social life's a dud. My name is really Mud. I'm up to hearing lies. I guess I'm down to size. To size. Avec Midnight to Six Men, c'est un de leurs nombreux succès. C'est paru en 45 tours en janvier 1966. Et juste avant ça, nous avons entendu les Américains The Music Machine avec Talk Talk. Ça aussi, cette pièce est sortie en 45 tours. Celle-là en novembre 1966. C'est un gros succès. Et au début du bloc, nous avons entendu les Them, ces Irlandais qui mettent en vedette Van Morrison avec I Can Only Give You Everything. C'est tiré de leur deuxième album, Them Again, paru en avril 1966. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie de moi-même, Alain Lefebvre. Il vient d'arriver, hein, cette crapule, ce déloyal, épouvantable et fourbe Dr. Pendragon. Bonjour, docteur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Quel accueil, hein? Mais t'es pas gentil, toi, parce que t'as commencé avant moi. Ben oui, mais c'est ta faute, là. C'est vrai? Oui, oui. Pourquoi? Ben, pourquoi t'es pas arrivé? Je sais pas. Ben voyons donc. Ben moi, j'ai pensé c'est ton anticonformisme. Non, tu m'avais simplement pas avisé. Puis je n'ai déduit que t'avais décidé de commencer avant pour avoir moins de temps à faire avec moi, puis partir à 4h le 17h. Mais le message est assez clair. Je peux m'en aller tout de suite, si tu préfères. Mais pas avant cette magnifique chronique que j'ai à faire, évidemment. Ben oui, évidemment. Vous l'attendiez tous. Et certainement, impatiemment, je suis certain. La voilà, la fameuse chronique du docteur sur la faune et les amateurs de rock. Je viens de faire ma routine, là. Je peux pas faire ça. Normalement, je commence pas avec ça. Je suis incapable de le faire. Ah, docteur. Mais non, c'est fou. Je t'en prie. Oh, mais merci. C'est ce que j'attendais. Je voulais te prier, justement. La chronique numéro 25, mon cher ami, 27, pardon. Ben oui, voyons. Oui, ce que je raconte. Je pense que tu suis, puis je sais que tu suis pas d'habitude, mais là, félicitations, tu vas avoir une belle gommette dans ton cahier. Pour cette 27e chronique de la faune chez les amateurs de rock, je vous présente ce mammifère qui fut à l'origine des grandes aventures de Roadrunner, soit le coyote. Le coyote! Oui! Belle créature, n'est-ce pas? Ben oui, je pensais à lui, justement. Ben, tu vois, comme les grands esprits se rencontrent. J'ai fait ça il y a une semaine, tu sais. Le coyote, ou Canis latrans, signifiant chien qui aboie, est une espèce de la famille des Canidae, ou canins, si tu préfères. Mm-hmm. Je sais que ton, t'es pas très érudit en latin, donc traduit pour les ignares. J'ai quand même fait de l'étymologie, docteur. Tu t'en rappelles pas. Il est un des 7 représentants des canidés. Il est aussi très proche parent du loup, t'en conviendras. Mm-hmm. Et encore une fois, cette semaine, pour pouvoir te mettre dans le contexte, évidemment, tous nos petits amis, j'ai un beau petit diorama. Ah, ben oui, ben voilà. Oui. Mais je sais de quoi ça a l'air, un coyote. Ça, non, ça tu ne savais pas. Ça ressemble à un chien laid. C'est très beau, un coyote. Ah, docteur. Ben, en tout cas, la photo qu'il tire, regardez-vous aussi. Voilà, vous voyez. Bon. C'est vrai qu'il est essayant, celui-là. Ce coyote-là, c'est un bel exemple. Oui, hein, oui, c'est un bal alpha. Je sens qu'on va avoir de la misère. On le retrouve majoritairement en Amérique du Nord, mais aussi en Amérique centrale et au nord de l'Amérique du Sud, et parfois même en Alaska. Mm-hmm. Le nom coyote est d'origine Nahuatl, une macro-langue d'origine aztèque. Mais je ne peux pas dire la signification exacte qu'ils avaient apportée. Ça me tentait tout simplement pas de chercher. Non, je ne l'aurais peut-être pas compris non plus. Sa physionomie, il ne dépasse pas les 60 cm au garrot et mesure 75 à 100 cm en longueur. Il pèse entre 9 et 23 kg pour une moyenne environnant les 15 kg généralement. Son pelage se situe entre le gris et le fauve, ou couleur cannelle si tu préfères. Si tu préfères pas, c'est pas grave. On pourra pas peinturer, non. Le coyote possède de longues oreilles lui permettant d'entendre de loin toute menace potentielle, ses proies, ainsi que le Festival de Rio, bien sûr. C'est connu, hein? Ah oui? Ben oui. Son odorat est aussi très développé. Il peut sentir instantanément, même en mode de course, un changement subit des odeurs environnantes. Il détecte aussi facilement les troupeaux de fromage en grains. C'est normal. Mm-hmm. Hein? Avec une odorat semblable, il ne pourra pas passer à côté de ça. Sa longévité. À l'état sauvage, il vit de 10 à 14 ans, alors qu'en captivité, c'est environ 15 minutes. Ben non, mon pauvre Alain. C'est une vingtaine d'années. Pauvre petit gars qui croit tout. Malgré le fait que le coyote vit généralement en meute, il a l'habitude de chasser seul, en compagnie d'une dizaine d'individus. Son alimentation. Les petits mammifères, tels que les musaraignes, campagnols, lièvres, font partie des menus fréquents du coyote. Pas pourquoi je te regarde, tu m'écoutes même pas. Mais il se tournera aussi vers les ratons laveurs et porcs-épics. Mm-hmm. Moi, je trouve ça assez étrange, quelqu'un qui veut que sa proie soit épeurée. Oui. Et même c'est pas une bonne idée. Non. Ben là, faudra en discuter avec lui. Mais il me semble qu'un porc-épic, c'est assez répulsif comme créature. Ben, oui, ça fait mal. Prendre une bouchée là-dedans, ouais. Là, bon, à moins de s'en servir comme cure-dent par la suite. Là, mais bon. Et voire même les cerfs, donc il s'attaque à des bêtes un peu pas mal plus grosses que lui. Mm-hmm. Dans les faits, il est omnivore, donc il pourra aussi se contenter de crustacés et d'insectes, en période de famine peut-être. Une petite salade de crustacés, de bigorneaux, quelque chose du genre, j'imagine. Mais son plat de prédilection serait, et je dis bien, serait le Roadrunner. Ouais. Qu'il n'a jamais réussi encore à attraper d'ailleurs, on le sait tous. Il se peut donc que le cas échéant, s'il pouvait lui mettre le grappin dessus, qu'il trouve ça mauvais. Ben oui. Sait-on jamais. Ben oui. C'était pas très grave, Roadrunner. Non, vraiment pas. Non. Sa reproduction. Les coyotes sont monogames, ce qui signifie qu'ils entendent seulement d'une oreille la colère de leurs épouses. Ben non, voyons Alain. Cela veut dire qu'ils ne connaissent qu'une seule gamme musicale, bien entendu. Faut tout spécifier. Alain, il est pendu à mes lèvres et il croit tout ce que je dis. Je veux pas abuser de sa naïveté. La gestation de la femelle est de 2 à 3 mois et elle donnera naissance à 5 ou 7 petits qui n'ont pas de nom spécifique, contrairement aux chiots ou aux chatons. Mm-hmm. Les petits partiront à la chasse dès l'âge de 10 semaines, donc c'est très précoce. Ben oui. Les coyotes aboient, glapissent, hurlent et chantent à Travaglietta de Verdi, bien sûr. On entend ça dans les déserts. Selon toi, Alain, est-ce que, et la question s'adresse directement à toi, est-ce que les coyotes attaquent l'homme? Je pense pas. Eh bien, tu as pas mal raison. Parce qu'on ne retrace que de très rares cas d'attaque de coyotes envers l'homme. Mais l'une des plus médiatisées fut en 2009 au Cap-Breton, alors que la chanteuse Taylor Mitchell, que je ne connais pas, fut attaquée par 2 coyotes et elle succomba à ses blessures. Ah oui? Oui, mais c'est très rare que ça arrive. Son comportement, vivant en meute, les comportements du coyote sont similaires à ceux des loups, autant hiérarchiques que de vie commune. Et maintenant, la portion qui, j'en suis certain, pique le plus votre curiosité et que vous attendiez depuis sûrement la semaine dernière, soit la première rencontre du Coyote et de l'homme contemporain. Ben oui, évidemment. Évidemment. Mm-hmm. Et il faut remonter, mon cher Alain. Il faut remonter, Alain, je veux dire. Au début du 19e siècle, lors de la conquête de l'Ouest. Mm-hmm. Et je sais que tu aimes beaucoup les films qui traitent de des westerns et de la conquête de l'Ouest. Oui, évidemment. Moi aussi. Oui. Donc, ça devrait te captiver. Mm-hmm. Comme vous le savez probablement déjà, et je l'espère, contrairement au Rockmaster, qui ne connaît à peu près que Bobino, la conquête de l'Ouest sauvage est une des époques épiques des États-Unis, et elle s'est faite à coup d'efforts surhumains, de sacrifices et surtout de bravoure. Oui, et particulièrement par John Wayne. Ben, tu m'enlèves les mots de la bouche, mon cher. Est-ce de la bouche ou d'ailleurs? Je ne sais plus. Toujours... Afin de pouvoir étendre la civilisation et la prospérité de ces États de l'Ouest qui semblaient fort prometteurs, de nombreuses expéditions et exodes d'aventuriers et colons prirent d'assaut la nature indomptable et s'exposèrent aux innombrables dangers que représentaient la peuplade et tribus amérindiennes et, bien entendu, la faune qui dominait ces vastes contrées. Avoue que ce dernier paragraphe était fort bien dit, n'est-ce pas? Je me suis forcé beaucoup, je l'ai révisé 4-5 fois, je pense. Nous nous attarderons précisément à l'expédition menée par l'ex-officier de cavalerie américaine, le capitaine Joe B. Zuka. OK. Célèbre pour avoir combattu les hordes sauvages de la tribu des Pieds-de-Bas, ainsi que des Sioux. En plus d'avoir été un des seuls officiers haut gradé de la cavalerie à avoir été métisse. En effet, le capitaine Zuka était le fruit du mariage d'une Comanche et d'une poire. Désolé. C'est très étrange. Mais pourtant, c'est historique. Donc, l'expédition qui se dirigeait vers ce qui allait devenir la Californie était en route depuis 2 bonnes semaines et avançait péniblement à travers les caprices de Dame Nature, tels les cacas d'oiseaux et de petites branches parsemées sur le chemin. Le soir, ils campaient dans des endroits qui leur apparaissaient être sécuritaires, majoritairement dans les haltes prévues pour les motorisés, bien entendu, histoire de ne pas pogner de tickets d'infraction. Mm-hmm. Ils discutaient du dernier épisode de Chez Oncle Bill, autour d'un feu de camp, et ainsi de suite. Les pionniers avaient pris l'habitude d'entendre la nuit les bruits des bêtes qui rôdaient à proximité. Mais une nuit, des hurlements retentirent très près d'eux et de façon insistante et tout autour du campement. Comme tout bon chef qui se respecte, le capitaine B. Zuka entreprit d'investiguer les alentours afin de sécuriser le campement. Il se rendit compte que ces hurlements ne provenaient pas de loups, comme il l'aurait cru, mais de plus petites bêtes ayant aussi l'aspect canin. Il brandit sa carabine Win Chesterfield et mit en joue l'un des intrus. Et au moment où il allait tirer, il entendit ceci. « Non, non, ne tire pas! » Le capitaine Joe B. Zuka, qui était mi-apache, avait appris le langage des animaux par son grand-père, un sage du nom de Flèche d'Argent Bergeron. Il comprenait aussi le langage des fruits, dont son père était une poire, évidemment. Oui. Capitaine lui dit « Pourquoi est-ce que je ne tirerai pas? Vous êtes une menace pour nous tous. Et vous allez probablement vous approprier nos réserves de Gulf on Jemima, » répliqua-t-il. Le coyote « Eh bien non, vous n'avez pas à me tirer dessus simplement parce que nous ne voulons aucun mal. » Et nous ne connaissons pas ce que c'est que les gaufres, d'ailleurs. Désolé de vous avoir dérangé, mais nous sommes à préparer notre méga festival annuel Coyote Rock. Si tu approches avec ton fanal, tu verras que nous sommes à monter les infrastructures nécessaires. Le capitaine, ben oui, toi chose, on dirait une grosse scène de saloon. Est-ce que vous allez avoir des danseuses de cancan? Le coyote lui dit, des quoi? Mais je ne sais pas de quoi tu parles, mais ce ne sera pas des danseuses, mais bien des groupes rock qui vont se produire successivement sur scène pendant 2 jours. Et cette année, nous sommes particulièrement fiers de recevoir, entre autres, les super formations telles que The Road and the Runner, Daffy and the Duct Tape, et aussi mon cousin du Mexique, Speedo Gorgonzalez. Le capitaine, fort étonné de cette description d'événement et n'y comprenant pas grand-chose, se mit à rire de façon ridicule, probablement nerveusement. D'ailleurs, son rire devrait être un petit peu similaire à celui du Rockmaster. Le coyote et ses congénères, qui étaient fort surpris de voir l'étranger rigoler ainsi, se dirent que ça devait être drôle et décidèrent de se joindre à lui. Ils rigolèrent tous pendant des jours et des jours, voire jusqu'à la fin des temps, et eurent beaucoup d'enfants. Des enfants qui avaient pour origine le coyote, le peuple Comanche et une poire. Aujourd'hui, ils sont connus comme les indigènes de l'île de Gilligan. Mmh. Avec de beaux chapeaux de fruits, bien sûr. Mmh. Ce qui, malheureusement, a eu comme impact pour le pays que la Californie ne fut jamais découverte, puisque l'expédition du capitaine Bezuca ne cessèrent jamais de rire. Là, vous pourriez me dire que la Californie existe bel et bien. Eh bien, non. Ce que les voyageurs peuvent voir aux limites de l'Arizona, du Nevada ou de l'Oregon, ce ne sont que des posters géants. Et là, vous et Alain, vous devez vous demander aussi comment se fait-il que l'expédition du capitaine Joe Bezuca écoutait des épisodes de Cher Oncle Bill au début du 19e siècle. Ben, parce que c'est une très vieille émission. C'est pour ça. Ben, en fait... C'est simple. Tu vas couper le là. Tu dois te le demander. Ben, dis oui. Non. Dis s'il te plaît. Ah, d'accord. Ah, je savais que tu te le demandais. Vous voulez la réponse, mes pauvres petits crédules et naïfs? Pardon, mes petits amis? Eh bien, c'est simple. C'est la magie de la fonte chez les amateurs de rock et du NDRP, où tout est possible, voire impossiblement possible. Et je vous rappelle que cette chronique est une présentation de vos grands magasins Woolco. Soyez hors la loi des prix, magasinés chez Woolco. Ah, c'était vraiment bien. Toutes les informations relatées dans cette hautement scientifique chronique sont tirées du NDRP. Vous pouvez les consulter au www.ndrp.pasvrai. Merci beaucoup. Phew! T'es heureux, hein? Oh. Je ne peux plus, je sais. Écoute, je sais que toi aussi, tu l'attendais depuis la semaine dernière. C'est encore une fois très troublant, docteur. Mais fort éducatif. Vous êtes à l'émission avec Desic en compagnie de ce très étrange Dr. Pendragon. Ben, peut-être moins que mes chroniques, finalement. Et moi-même, allez la faire. Oui, mais c'est toi qui fais chronique. Ah, c'est vrai. C'est maintenant le moment de passer au segment d'émission dans lequel le Dr. Pendragon se laisse aller complètement. Là, il se laisse aller oui. L'abandon à sa total. Passion pour la nostalgie, ce très grand nostalgique docteur. Donc, le docteur nous ouvre son téléviseur, nous présente ce qu'il a l'habitude de regarder, c'est-à-dire de beaux programmes d'antan. Hein? Mm-hmm. Parce qu'on va faire une incursion comme ça dans ta dimension. Là, qui, oui, fin qui des années 60. Fin des années 70. Oui, c'est ça. Alors, docteur, qu'est-ce que tu nous présentes cette semaine? Ben, je pense que je vais faire plaisir à beaucoup de gens parce que c'est tout à fait en contexte avec le spécial d'aujourd'hui. Je vous parle de la sitcom ou, si vous préférez, la série télévisée de comédie, The Monkees. Ben oui, The Monkees, c'est tout à fait approprié. Une série télévisée qui a débuté en septembre 66. Mm-hmm. Fait que si tu veux bien, demande à Télé-Sino qui nous passe un bel épisode des Monkees et on va revenir avec les détails par la suite. Vas-y, Télé-Sino, on regarde ça. Go! Here we come, walk down the street. We get funniest looks from everyone we meet. Hey, hey, we're the Monkees, and people say we monkey around. But we're too busy singing to put anybody down. Don't be slow. No. 'Cause I'm leaving in the morning and I must see you again. We'll have one more night together till the morning brings my train and I must go. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Foxville. I'll be waiting at the station. We'll have time for coffee, for later kisses. better conversation. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Take the last train to Clarksville. Now I must hang up the phone. I can't hear you in this noisy railroad station. All alone, I feel alone. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville and I'll meet you at the station. You can be here by 4:30, cause I've made your reservation. Don't be slow. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville. On a de la suite dans les idées de Monkees et la pièce Last Train to Clarksville qui est tirée de leur album The Monkees est parue le 10 octobre 1966. Et avant, on a entendu un bel épisode de cette leur émission télévisée de Monkees, simplement appelée comme ça, qui a débuté le 12 septembre 66 et qui s'est tenue sur 58 épisodes de 24 minutes environ pour se terminer le 25 mars 68. C'était sur NBC. C'était une création de Bob Raffleson et de Bert Schneider. Et on retrouvait les acteurs principaux qui, bien sûr, étaient les membres des Monkees, soit Mickey Dolenz, David Jones, Michael Nesmith et Peter Tork. Et ce qu'il faut savoir avec cette série-là, c'est qu'initialement, c'était des acteurs, hein? Oui, c'est des acteurs. Qui avaient été recrutés pour pouvoir monter un groupe fictif de rock et qui avait, dont on suivait les aventures dans les épisodes. Il s'était inspiré, dans le fond, du film Hard Day's Night des Beatles. Il remettait les aventures des Beatles, comme ça, là, avec un groupe un peu loufoque, là. Oui, qui, tout à fait. Qui vit des aventures souvent ridicules. Oui. Sauf que il était en retard, là, parce que les Beatles n'étaient plus là du tout, là, 2 ans plus tard, en 66. Mais oui, effectivement, tu as raison. Il reste que ça a quand même eu un certain succès. Oui, absolument. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Monkees, qui on les voyait jouer dans les épisodes, ne savaient pas jouer. Donc, c'était... Au début. Mm-hmm. C'était du lip-sync et du air guitar avec des vrais instruments. Mais ils ont décidé d'apprendre réellement à jouer. Et sont devenus de bons musiciens. Ah, absolument. Et cette série des Monkees leur a valu par la suite de nombreux numéro 1 en 45 tours de véritables pièces qu'ils avaient fait. Mm-hmm. Donc, 58 épisodes de 22 minutes pour sur environ 2 ans. Personnellement, j'ai des souvenirs qui sont, je dirais, quelque peu effacés. Oui, Je serais curieux. J'en ai réécouté à l'occasion, là, dans les dernières décennies. Mais, est-ce que j'ai vraiment apprécié? Je m'en rappelle plus, honnêtement. Oui. Ouais. Faudrait peut-être regarder pour le fun, là, qu'est-ce que c'est. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié ce beau programme d'antan. Oh, oui, docteur. C'était vraiment intéressant. Merveilleux, merci. Nous en sommes maintenant venus à ce segment de l'émission que nous avons tout simplement appelé « Ça passe ou ça casse ». Segment au cours duquel nous écoutons une pièce d'un artiste ou d'un groupe qui a déjà fait un certain tabac et on l'examine avec le recul. Nous déterminons si ça a passé le test du temps. C'est assez simple. Ben oui, c'est simpliste. C'est même simplet. Oui, absolument. Souvent, ça se joue au niveau des arrangements qui déterminent vraiment si une pièce a traversé le temps. Et ça va être particulièrement le cas aujourd'hui du morceau, parce que cette semaine, je vous propose une chanson qui a eu beaucoup de succès en juillet 1966. C'était numéro 5 au Billboard, la pièce « Walk Away, Renee » du quintet The Left Bank, quintet en anglais. Chanson qui a eu beaucoup de succès comme ça. Et est-ce que ça a passé le test du temps? Eh bien, on va le déterminer tout de suite. Vous êtes à C'est fou, ouais! Left Bank avec Walk Away Nay. C'est paru en 45 tours en juillet 1966 et comme je l'ai dit précédemment, ça a connu un énorme succès. Numéro 5 au Billboard. Verdict, docteur. Je le savais. Ah, je pense que je vais me prendre un avocat. Ouais. Écoute, je dois t'avouer que j'ai pas énormément de souvenirs de cette pièce. Mm-hmm. Ce qui me rend encore plus impartial, par contre. Oui, ben oui. C'est difficile à établir. Oui. Oui. En fait, ah, faut que j'y aille. je penserais que oui. Oui. Oui, je penserais que oui, mais il faut que je mette une petite parenthèse à ça, c'est que. Les pièces de cette époque, des années 60, ont une sonorité et une forme de composition qui sont très, je dirais, indélébiles, si on veut, très similaires par moment. Tu sais, il y a des patterns qui reviennent. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de la sonorité, oui, sans problème. Mais est-ce que l'air, je le sais pas, je suis pas convaincu, mais je vais opter pour oui. Ah oui? Ouais. Ah, tu me surprends. Moi, vraiment pas. Je pense pas que ça pas. Non, non. Ben écoute, c'est de la pop baroque. Hein. La pop baroque, c'est de la pop rock avec des arrangements luxuriants, là, des fioritures associées comme ça à la musique classique. Des cordes. Oui, ben le clavecin qui domine dans cette pièce. C'est du genre easy listening des années 50 et 60. Les Hollies en étaient un autre bon exemple, hein, connu de pop baroque. Mais moi, je trouve que ça a vraiment pas passé le temps. Vraiment je sais pas. Écoute, je te dis peut-être pas partout. Ça fait 1966. Là, eh bien, c'est exactement ce que je voulais dire. Ouais. Mais ça pourrait peut-être passer à des stations qui sont plus spécialisées dans la musique plate. Oui, absolument. Mais il ne me pousse pas de bouton lorsque j'entends ça. Vraiment non, pas. Non, je ne déteste pas cette pièce. Ben, écoute, absolument c'est un peu d'indifférence. Et ça me fait pas rire non plus. Non. Ça me fait pas. Je trouve pas ça ridicule. Là. C'est loin de Styx. C'est correct. Là. Ouais. Sauf que ben, je trouve que c'est vieillot et puis ça. Non. OK. Mais de toute façon, vous n'entendrez plus jamais ça. Non. Pas ici, en tout cas. Mais c'est pas mauvais. Non. Absolument pas. Moi, ça me laisse indifférent. Oui. Ouais. C'est pas du Gino Vanelli. Non, ça il y en a encore qui me parlent de ça, Gino Vanelli. Je suis le premier à pas revenir, ça m'étonne pas du tout. Gino Vanelli, écoute, sais-tu, j'ai reçu un courriel qui de au moins 100 000 auditeurs qui disait que. C'était écrit « If Gino don't quit, we quit ». Là, je leur ai répondu « Je vais tout faire à mon pouvoir pour que ça se produise ». En passant à la version des Four Tops de Walk Away Renee, est beaucoup plus connue que l'original des Left Bank et il semble-t-il a eu plus de succès, sauf que j'ai pas de chiffres par rapport à ça. Ah, je peux pas te dire. Mais elle est plus connue, semble-t-il, là, des mélomanes, hein? Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie de ce Dr. Pendragon. Moi, présentement, c'est à peu près juste ça. C'est à peu près juste ça. C'est assez. C'est un Dr. Pendragon. Ouais, c'est ça. Ça me va bien. Et moi-même, allez le faire à cette émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Entre aujourd'hui, autres. Nous vous présentons une émission très spéciale, hein, car elle est entièrement consacrée à l'année 1966, qui est une des plus importantes et riches en matière de rock. Mais de quoi ça avait l'air, ça, 1966? Hein? D'abord, au niveau des ouais, événements Alain, mondiaux. De quoi ça avait l'air, ça, 1966? On se rappelle de 66 parce qu'il y a eu beaucoup de... C'était à l'époque, il y avait beaucoup de troubles raciaux aux États-Unis, de la naissance du Black Power, hein, c'est en 66. Mm-hmm. Il y a eu des émeutes importantes, notamment à Chicago et Cleveland à l'été. Aussi, c'était l'époque de la guerre du Vietnam. Hein. Oui. Il y avait une escalade et il y avait bien sûr un accroissement important des dépenses militaires aux États-Unis qui avait été amorcé en 65, couplé avec des réductions fiscales votées en 64. Ça a provoqué l'apparition d'un déficit national estimé à 1% du PIB dans le budget fédéral et cette situation a obligé les autorités à revenir partiellement sur les réductions fiscales accordées les deux années précédentes. Hein. Donc, mm-hmm. Ça faisait pas tellement plaisir au peuple américain. Je suppose que non. On dit aussi qu'en 1966, en janvier, c'était l'apparition des premières communautés hippies en Californie. Hein. Mm-hmm. Ça a débuté là. Mm-hmm. Ça a explosé vraiment en 1967, mais les débuts, c'est en 1966. 13 juin, chose importante au niveau judiciaire aux États-Unis, l'arrêt Miranda versus Arizona, qui rendait obligatoire d'informer tout suspect de ses droits. Hein. Avant ça, on pouvait arrêter n'importe qui pour n'importe quoi. Puis, ça devait être le fun. C'est vraiment ridicule. Du 18 au 23 juillet, comme je l'ai dit, il y a eu des émeutes raciales vraiment importantes à Cleveland, en Ohio, à Hearth. 5 coups au début de la construction du World Trade Center. Eh oui, hein? Le World Trade Center, ça a débuté en 1966. Oui. Oui. Le 7 août, émeute raciale encore là, mais à Lansing, au Michigan. Le 7 novembre, élection à Cleveland du premier maire noir, hein, là où il y a eu plein d'émeutes, là, bien, ils ont élu un maire noir pour la première fois dans une grande ville américaine. Et non la maire noire. Non, non, non. D'accord. C'était le premier maire noir d'une grande ville américaine. Le 8 novembre, Ronald Reagan est élu gouverneur de la Californie. Hein, ce triste personnage qui aujourd'hui passe pour un grand président, mais moi je me rappelle les années 80 quand il était président. Ouais, moi aussi. J'ai pas la même appréciation. Il y aura toujours que ces une... gens racontent. Hein. Il y aura toujours une réplique dans le film. Je crois que c'est Back to the Future. Il me semble que c'est ça ou un acteur président. Oui, puis il se fait rire, il dit qui est la première dame, Doris Day, et puis le ministre de la Défense, c'est John Wayne. John Wayne, c'est ça. Ben oui, parce que c'était complètement absurde pour quelqu'un de penser qu'un acteur dans les années 50 pourrait être un jour président. Mm-hmm. Eh bien, c'est arrivé dans les années 80. Il a d'abord été élu gouverneur de la Californie le 8 novembre 1966. 28 mai, Fidel Castro proclamait la loi martiale à Cuba afin de prévenir une éventuelle attaque des États-Unis. Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais. Mm. 29 juillet, la nuit des longs bâtons, Noche de las Bastones Largos, en Argentine. La police délogeait comme ça les professeurs et les étudiants qui avaient investi 5 universités. Donc, c'est une nuit vraiment moche, hein, la nuit des longs bâtons. Mm-hmm. Et aussi, en 1966, la répression de la guérilla rurale au Pérou qui a fait plusieurs milliers de morts et discrédité le régime de Belaunde. Au Québec, le 14 octobre, c'était l'ouverture du métro de Montréal. Et oui, c'est en 1966, il y a 50 ans. Le métro de Montréal. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Et puis, il est dans le même état qu'en 1966. Ah non, quand même. Mais ça venait remplacer les tramways, donc ben on oui. en entrait dans une ère moderne. Si qui avait été bâti à partir des anciennes canalisations d'aqueduc romaines, je crois. Politique, le 5 juin, c'était l'élection générale québécoise et c'est l'Union nationale avec Daniel Johnson qui formait comme ça un gouvernement majoritaire. Le 8 septembre, élection générale Terre-Neuvième, Joey Smallwood, réélu premier ministre. En justice, Vincent Cotroni était identifié en 1966 comme étant le parrain de la mafia montréalaise. Au sport, au hockey, les Canadiens de Montréal remportaient la Coupe Stanley en 1966 contre les Red Wings de Détroit. Hein, ça a beaucoup changé depuis 50 ans. Hein. En économie, le 31 mars, la brasserie Dow cessait de produire de la bière après quelques décès dus à la myocardose. Les liens entre la consommation de bière et ces décès ne furent jamais prouvés. Il y a un excellent documentaire que j'ai vu à Radio-Canada il y a quelques années. Les images étaient belles. J'ai oublié le nom de cette émission, mais c'était vraiment excellent. Okay. Et on racontait en détail ce qui s'était passé, et puis des hypothèses par rapport à tout non, ça. Non, mais ça avait fait toute une tollée, ça. Ah ben oui, et puis ça a beaucoup nuit à la brasserie d'or, qui était la bière la plus vendue, hein, la plus bue au Québec, et puis par la suite, ils s'en sont jamais remis. Hein. Absolument. En science, 1er avril, et ça c'est intéressant, et ça on aime ça, elle est là. C'était l'inauguration du planétarium de Montréal. Oui. Bien sûr, à l'époque, il était situé au centre-ville. Maintenant, il est situé à côté du Biodôme. Oui, hein? Oui. Et finalement, côté littéraire, c'était la sortie d'un classique de la littérature québécoise, « La vallée des avalées » de Régent Ducharme. Et c'est ce qui se passait dans le monde en 1966. Docteur! Et là, tout le reste d'après-midi, nous allons aller écouter ce qui s'est passé dans le monde du rock. Et c'est très intéressant. N'est-ce pas, docteur? Ben oui. Puis on va y aller avec un premier bloc doc. Oui, et majoritairement, tout au long de l'émission, ce seront de petites pièces courtes parce qu'ils étaient tous sortis sur 45 tours. Ben oui, c'était l'époque des 45 tours. C'était pas vraiment... On va l'expliquer un peu plus tard, là, mais à l'époque, là, le format... Qui était adopté. Qui dominait, c'était celui du 45 tours, donc c'était des pièces assez courtes, là, de 2-3 minutes. Mm-hmm. On va aller écouter un bloc de 4 pièces dans lesquelles on pourra entendre The Who, formation de Trogs, The Fogs, mais tout de suite, allons-y avec, et on en reparlera après cette diffusion, la formation Monks et la pièce I Hate You. Ouais, ça c'est très intense. Oui. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, c'est fou, 89 FM. Yeah! we fall, it nearly drove me insane. The next time that we fall, it ripped me out of my brain. The third time that we fall, you know I fainted nearly dead. I woke up, she was on her knees and covering my head. Some god is from the lower east side. Some god is gonna make her my guide. Life floated lonely down the street one day. Spider, God Boris the Spider. The Who, et bien sûr Boris the Spider, qui tirait la Quick One, qui est paru le 9 décembre 1966. Ce que je dois dire à propos de cette pièce, oui, parmi les autres surtout, c'est qu'elle détonnait, hein? Oui, ça détonnait. Ben, oui, tout à fait. C'est, ouais, c'est un petit peu plus, je dirais... peut-être audacieux. Oui, ouais. Ben, comique aussi. Tu sais, cet album-là, Quick One, là, c'est le préféré, c'est l'album préféré des Who, de ma blonde. Hein, parce qu'elle aime beaucoup cet album-là, Quick One, parce qu'elle le trouve rigolo. Mais parce qu'elle n'est pas une grande fan des Who. Non, non, absolument pas. Mais celui-là, elle l'aime parce qu'elle dit il est rigolo, cet album-là. Ben écoute, Boris the Spider, c'est un bon exemple d'une pièce qui est drôle. Moi, j'adore cette pièce-là. Vraiment géniale. J'aime beaucoup que ce soit Toissol qui l'ait chanté aussi. Voix tonalité très grave. Mais évidemment, ce qui ressortait le plus de cet album-là, Quick One, c'est la pièce titre, parce que c'est la première ébauche d'opéra rock. Oui, effectivement. Tu as entièrement raison. Pour une fois, je dois dire. Et comment, juste avant, c'est évité, c'est incontournable, Wild Things, bien sûr, le Troggs, pièce qui a été popularisée et qui joue encore dans nombreux... On entend ça dans des films. Des mariages. Oui, des mariages, entre autres. Des soirées dansantes à la mode, oui, avec des jeunes gens dans le vent, bien sûr. Tu sais, Gene Simmons, justement, lorsqu'il s'est chicané avec les... Quoi? Il s'est déjà chicané, avec Ice Cube, et il disait que... White Thing, selon lui, c'est du rap. Là. Ça pourrait être du rap parce qu'il parle là-dedans. Il n'y a pas vraiment de mélodie. De mélodie vocale. Pis, lui, il appelle ça une novelty song. Ouais. Alors, il parlait de White Thing. Il a donné deux autres exemples aussi, comme They're Coming to Take Me Away, qui a été un gros succès en 1966. Qui avait été traduite ici au Québec par un nommé Gros Nono Deslauriers. Qui en a fait un 45 tours, s'en viennent pour me chercher. Et j'avais ce 45 tours-là lorsque j'étais petit et ça me faisait peur. C'est épouvantable. S'en viennent pour me chercher. On en avait parlé, je pense, c'est l'an dernier, puis j'avais été sur YouTube pour l'avoir écouté, c'est vrai. Oui, c'est affreux. The Troggs et Why Things, c'est tiré de From Nowhere. Il n'y a pas grand mélodie là-dedans. Non, mais écoute. Mais c'est un classique, ça. Ben ça, oui, c'est un incontournable. Moi, je ne dirais pas que c'est un novelty song. C'est une bonne pièce de rock. C'est fort correct. Oui, tout à fait. From Nowhere, paru le 25 juillet 1966. Moi, je lis cet album-là, par contre. Hey, t'es pas mal polisson de me couper la parole de même. C'est un album homonyme, Why Things. Celui que j'ai, il est en mono. Ah. Et c'est une version originale. Ah, ben moi, tu vois, je l'ai pris sur une version trio. Juste avant de c'est n'importe quoi. Bien entendu. Candide. Fidèle à moi-même, hein. juste avant, nous avions de Candide. Qu'est-ce que tu fais là, toi? The Fox, c'est la pièce Slum Goddess qui est tirée de l'album homonyme de Fox qui est paru en mars 1966. C'est bruyant, ça, les Fox. Hein? Oui. Ouais. Mais là, j'arrive à quelque chose qui est un peu, je dirais, déstabilisant par moment. Ouais, c'est Monks. C'est controversé, les Monks. Oui, ben peu. Et pour cause. The Monks, c'est la pièce I Hate You qui, déjà, en 1966, d'avoir un titre comme ça était un peu annonciateur de ce qu'il pourrait influencer plus tard dans la musique, c'est-à-dire le punk. Ben 50 ans plus tard. Écoute, de nos jours, tu sais, à l'époque, là, les gens étaient très... Il y avait beaucoup d'optimisme dans l'air. C'était... les gens s'en allaient dans leur tête vers quelque chose, vers l'avenir, un quelque avenir chose de mieux. Radieux. Oui. Alors qu'aujourd'hui, c'est totalement le contraire. Uh-huh. Alors, ça se reflétait à l'époque, les gens parlaient d'amour, de joie de vivre. Essaye ça, là, en 2016, toi, de faire des chansons qui parlent d'amour et de joie de vivre. Là, tu vas passer pour un malade mental. Tout le monde se plaint. Ben, il y en a plus. Oui, est extrêmement négatif. Et c'est poche, ça. Ben, oui. C'est vraiment poche. Ben oui. L'esprit de 1966 était pas mal plus intéressant à vivre que aujourd'hui, effectivement, tout lorsqu'on écoute la musique rock ou n'importe quoi, là. De toute façon, lorsque, dans la pop, lorsqu'on parle d'amour, on parle pas vraiment d'amour, là, on parle plutôt de sexe. Hein? Dis pas ça, ce mot-là, toi. Je sais que t'aimes pas ça. Non, mais parce que je connais pas ça. Ben oui, mais c'est ça. Moi, j'aime pas parler de quelque chose que je connais pas. T'es quelqu'un de prude. Oui, tout à fait. Et pur aussi. Pur. Oui, pur. La pureté même. Pur comme un trou de boue. Et The Monks, la pièce Etude, c'est tirée de Black Monk Time, qui est parue en mars 66. Et ils aboraient tous la fameuse tonsure, oui, hein, si vous voulez, oui, la oui. coupe des moines, c'est-à-dire, oui, c'est préféré raser sur le dessus en oui, cercle avec oui. une couronne de cheveux. Père avant son temps. Oui, et c'est ridicule comme coupe de cheveux, c'est oui, vraiment affreux. J'ai absolument. Des images devant moi ici, il y en a que ça lui va pas très bien. Hein. Oui. Et le reste de l'album, je dois le dire, parce que je me suis quand même acquéri de faire un peu d'exploration, mm-hmm. là. Oh, c'est vraiment pas bon. Ah, c'est pénible. Je les ai déjà présentés dans une chronique de groupe obscur parce qu'ils sont considérés, c'est du proto-punk, hein. Oui, c'est un groupe de punk à bien avant son temps, là. Absolument. 12 ans avant son temps. Mm-hmm. Sauf que moi, j'aime pas ça du punk. Alors, les manques, j'aime pas ça non plus. Ben. Ça m'énerve. J'avais cet album-là, Black Monk Time, en vinyle. Et je ne l'ai pas gardé parce que je trouvais ça insupportable. Ben, ça l'est supportable, Alain. Tu sais, moi, je veux dire, il y a du punk que j'ai apprécié à certaines périodes de ma vie, les GBH, ces trucs-là, mm-hmm. Exploited. Mais j'écoute ça, puis je me disais, écoute, c'est tellement mauvais, tellement mal fait, ouais. que pour moi, c'est subjectif, mais la pièce I Hate You, c'était celle qui ressemblait à être la plus potable. Oui. T'sais. Ben, c'est juste de la les manques, c'est juste de la colère, mais mal placée. Là. C'est... Puis c'est de la musique qui est un petit peu faite. Ben, c'est tout croche. Ouais. Mais les Fox aussi, c'est tout croche. Oui. Ben, tu sais, que notre émission, de toute façon, cette semaine, on frise le yéyé par moment. Là, ouais, ben, on présente ce qui s'est passé il y a 50 ans, mais c'était les débuts. C'était les débuts du rock. Le magazine Classic Rock l'a bien statué en disant que 66 avait été The Year That Built Rock. Je l'ai lu aussi dans le TV Hebdo. Dans le TV Hebdo? Oui, puis la semaine. Wow! Et le lundi, et ainsi de suite. Tout des références, quoi. Oh oui, vraiment. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie de ce dangereux malade qui est le Dr. Pendragon. Non, je suis pas dangereux. Non, c'est vrai, il est pas dangereux, mais il est sérieusement malade. Mais je suis sérieusement malade. Oui, c'est vraiment. Gravement atteint. Oui. C'est lui, le Dr. Pendragon. Et moi, c'est Alain Lefebvre à cette émission qui est consacrée entièrement au... Racine du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Mais aujourd'hui, nous vous présentons une émission très spéciale puisqu'elle est complètement consacrée à l'année 1966, qui est une des plus importantes et riches en matière de rock. Hein? Mmh. Et là, on va y aller avec un bloc qui est constitué à moitié de groupes qui mettaient en vedette des musiciens qui étaient connus en 1966, mais qui sont devenus immensément célèbres par la suite. Dans un moment, on va entendre les Gollywogs, oui, mais tout oui, de suite... Oui. On écoute les Spiders. Où sont les Spiders? Ils sont les là-bas. Voilà, les Spiders. On les écoute, les Spiders. Vous êtes assez fous. Et devinez qui chante, là. Don't blow your mind away. You drove me to another life. Don't blow your mind away. another life. Oh, put the pain and sacrifice. I broke away from you somehow. And look who's gone through now. We're two of a kind. Take what you can find. But don't blow your mind away. No more. And I'm just like I was before. We're two of a kind. Take what you can find. But don't blow your mind away. I wanna learn some more. I said, same old song. C'était un énorme succès là-bas lorsque c'est sorti en 45 tours en juin 1966. Et ce qui fait la particularité de cette pièce, c'est que le guitariste utilise un archet sur sa guitare. On l'entend très bien là, tout le long de la pièce. On le voit aussi. Et cela, c'était bien avant que Jimmy Page ne le fasse plus tard avec Led Zeppelin. Il l'a fait aussi avec les Yardbirds. Juste avant ça, juste avant The Creation, nous avons entendu un groupe américain qui s'appelle Richard and the Young Lions. C'est vraiment un one-hit wonder, puisque c'est un succès, ces 45 tours qu'ils ont fait paraître en juillet 66, Open Up Your Door. On a aussi entendu un autre one-hit wonder, mais pas tout à fait un one-hit wonder. C'était les Gollywogs avec Fight Fire. C'est paru en 45 tours en février 66. Mais qui étaient les Gollywogs? Eh bien, c'était tout simplement CCR. Ben oui, Creedence Clearwater Revival. Dans son entier. Avant qu'il prenne le nom de CCR, il portait des perruques vraiment ridicules. Hein, des perruques blanches. Il avait l'air calme. Ouais, mais à l'époque, c'était l'époque des gimmicks. Hein? Ben oui, c'est ça. Mais c'était grotesque. Ici au Québec, on faisait pire qu'ailleurs là, avec les groupes s'appelaient déjà ridicules. Ben, il y a eu les Classelles. Les Classelles. Les Excentriques. Ouais. Il y avait tous des habillements vraiment parfaitement ridicules. Hein. On avait vu ça au musée à Montréal. Le musée du rock. Oui. Ouais. Qui avait eu l'exposition du yéyé ou je sais pas trop. Il y avait des artefacts assez rigolos. Oui, tout à fait. Moi, j'ai un album des Excentriques à la maison. Là, c'est comme juste regarder la pochette, là, c'est comme un mauvais trip d'acide. Un bad trip là, total. Arc. Il avait repris Fun des Beach Boys. Il avait traduit ça par Fume, fait de la fumée. Surtout ça, c'est ridicule, c'est incroyable. Et au début du bloc, nous avons entendu les Spiders avec Don't Blow Your Mind. Ça, c'est paru en 45 tours en mars 66. Mais qui étaient les Spiders, docteur? Ben écoute, je me suis forcé d'être capable de reconnaître qui chantait. J'ai pas été capable. J'étais allé chercher l'information et je suis très surpris, je l'aurais pas reconnu. Ouais, c'était le Alice Cooper Band. Ouais. Eh oui, Alice Cooper avec Dennis Dunaway. Ils s'appelaient les Spiders et puis ils ont fait cette pièce, Don't Blow Your Mind, qui perd en 45 tours. C'est vraiment les débuts, là. Mais moi, je trouve que sa voix est vraiment très reconnaissable. Ouais. Ben, moi, j'aurais beaucoup Alice. De difficultés. Ben, je connais rien, moi, là. Dans un contexte yéyé comme ça, c'est vrai que ça peut porter à confusion, docteur. Hein? Merci de cette. Oui. Comment pourrais-je dire? Je sais-tu, moi. De t'avoir éclairé ta lanterne. Non, c'est pas ça du tout. Non, okay. Tarte aux cerises, voilà. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie de cet immonde hideux, Dr. Pendragon. Hey, je suis pas hideux, je suis beaucoup plus beau qu'avant. Non. OK. Vraiment pas. Non. Et moi-même, allez le faire avec cette émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Mais aujourd'hui, nous vous présentons une émission très spéciale, hein, qui a débuté une heure d'avance même. Ben oui, t'as débuté la première heure seule parce qu'on avait trop de choses. Trop de choses. Il s'est passé trop de choses en cette année 66, parce que l'émission d'aujourd'hui est entièrement consacrée à 1966, qui est une des plus importantes et riches en matière de rock. Et là, on va y aller avec un groupe qui a fait tout un tabac, n'est-ce pas? Un sacré tabac. Oui, surtout en Angleterre, hein, avec leur chanteur Steve Winwood, le petit Stevie Winwood. Le petit. Donc, le docteur a choisi une pièce tirée de leur album Autumn 66, qu'on va entendre dans un moment. Quel est le titre de cette pièce? Le Spencer Davis Group, bien sûr. Et nous parlons ici de... On va y aller avec... Ben, en fait, c'était ta pièce en premier, je pense. Non, mais c'est pour ça que je te disais... Okay, quelle était... La mienne, c'était Maine Blues War. Oui, c'est ça. Et ça, c'était paru... ça fait partie de l'album Autumn 66, qui est sorti en septembre. Ben, oui, c'était assez approprié. Mais avant ça, on va l'entendre, leur énorme tube. C'était le tube, c'est ce qu'on sortait. Merci, Alain, de nous avoir éclairé la semaine dernière. Oui, un auditeur, Alain, qui nous a appelé pour nous dire que c'était le mot tube. Voilà. Oui. Donc, gros canon de l'année 66, qui est paru en 45 tours en octobre 66, donc un mois après l'album Autumn 66, la pièce Gimme Good Lovin'. C'est excellent, ça. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, c'est fou. 89.1 FM. Yeah. Crazy people knocking doors, I wanna talk more. placer mes papiers avant. Yeah. Oh mon Seigneur, je suis tout mêlé, il y en a deux. Ouf. De Spencer Davis Group. Ben oui. Et... vous avez reconnu. C'est vrai? Ben, à cause de la voix de Steve Winwood. Du petit Stevie. Oui, le petit Stevie. Mean Blues Woman, qui est tiré de leur temps 66. Paru en septembre, comme tu l'as dit. C'était repris par Elvis plus tard aussi. Oui, oui. Oui. Il est joué en spectacle très souvent. Ah oui? Ouais, mais on n'entendait rien parce que... Ben, c'est normal qu'on n'entendait rien. Elvis, sa spécialité gastronomique était les sandwichs au beurre d'arachide, bacon et banane. Donc, il devait avoir la bouche. C'est un burger, ouais, c'est assez c'est, ça devait avoir, il devait avoir la bouche très pâteuse. Ouais. C'est très drôle. Je pense que c'est l'épisode 7 de la série Vinyl, lorsqu'on voit Elvis là, qui fait une apparition. Là, c'est vraiment drôle. Là. Pis... il l'a vraiment. Puis c'est à quelle époque de sa carrière? Ah, ben c'est en 73. OK, c'est pas la fin. Là, okay, il commençait déjà à être gros con. C'est vraiment pas chic. Là. OK. Ben, je m'attaque bientôt à cette série-là. Ouais. Ouais. C'est très crédible, en tout cas. Juste avant ça, oui, nous avons entendu encore le Spencer Davis Group avec le petit Stevie. Hein, oui. Il était pas vieux, le Stevie, lorsqu'il non, a commencé. Il avait 8 ans, je pense. Ben, il avait 14 ans, je pense. 14 ou 15 ans. Bon, 8 ans, 14 ans, c'est pareil. Ouais. Ça. On a entendu leur plus gros succès. C'est pas mal le plus gros succès avec I'm a Man. C'était Gimme Good Lovin'. C'est excellent, ça. C'est perdu 45 tours en octobre 66. Et ça a fait tout un tabac. C'est tout un tube. Oui, et ça, ça jouera jamais à Ça passe ou ça casse parce qu'on sait que ça passe. Oui, hein? Effectivement. C'est sûr que ça passe. Oui. C'est un classique. Vous êtes à l'émission Rock Classique, justement, et aujourd'hui, nous vous présentons un spécial année 1966. Et là, on va y aller, parlant de classiques, avec des classiques du rock de garage. Vraiment, là, immense. Là, dans un moment, on va entendre le Bobby Fuller 4, avec une pièce qui a été reprise par plein de monde, dont plein de groupes de punk. On va entendre Johnny Rivers. Mm-hmm. Mais tout de suite, on va écouter Question Mark, and the Mysterians. 96 Tears. Vous êtes assez fous, et nous autres aussi. C'est sûr. Too many teardrops for one heart to be crying. Too many teardrops for one heart to carry on. You're way on top now. Down at me, but watch out now. I'm gonna get there. We'll be together for just a little while, and then I'm gonna put you. Down there, looking up, and out my way, come up here, but I don't see you, waving now, I'm way down here, wondering how, I'm gonna get to you, but I know now, I'll just cry, cry, I'll just cry. For one heart to be crying. Too many teardrops for one heart to carry on. You're gonna cry 96 tears. You're gonna cry 96 tears. You're gonna cry, cry, cry, cry now. You're gonna cry, cry, cry, cry 96 tears. Yeah, come on now, a 96 tears.

de Bobby Fuller 4 avec le classique I Fought the Law. C'est paru en 45 tours en décembre 1966. C'est un immense succès. Et c'est sorti aussi dans un album du même nom, hein, qui n'est pas très bon par contre. Moi, je le connais pas. Non. Ça n'a pas été repris par les Clash. Oui, c'est repris par un paquet de monde, dont les Clash. Et okay. Oui. C'est un classique. C'est un classique. Des punks aimaient beaucoup cette pièce. Ben, probablement à cause du titre. I Fought the Law. Et d'ailleurs, il me semble que Bobby Fuller est mort dans des circonstances troublantes. Il me semble que parce que tu sais, le crime organisé était souvent relié comme ça aux étiquettes de disques. Ouais. Et puis il me semble que c'est lui qui a eu une fin moche. Là, ah ouais? Ça. Il me semble que c'est lui. Je vais vérifier tout à l'heure, là, mais... Demain, pas tout à l'heure, on n'a pas le temps. juste avant ça, on a entendu Johnny Rivers avec son classique ben oui. Secret Agent Man. Ça, c'est paru en 45 tours. En 66, ça avait été enregistré sur un plateau de télé. Je me rappelle pas lequel, là. Je sais pas si c'était American Bandstand. Mais c'est un énorme succès. Et bien sûr, c'était avec l'air du temps, hein, des séries, d'espionnage. Les films d'espionnage. Ouais. L'agent secret était très, très populaire à cette époque-là. On a juste à penser à The Man from Uncle. Oui, tout à fait. Qui s'est terminé cette année-là, il me semble. Il me semble que la série s'est terminée en 66. Pas. On pourrait en faire un beau programme. Oui, oui, ben oui. Ouais. D'ailleurs, t'as aimé le film. Hein? Oui, oui, le remake qu'on a fait, c'est dommage parce que ça a été un flop. Ben, je comprends pas. C'est vraiment très bon. Ben, c'est excellent comme avec, film. Avec Henry Cavill et puis c'est Guy Ritchie qui a réalisé ça. Oui. Ben, c'est vraiment bon. C'est un excellent film. Oui, puis j'ai été très surpris, moi aussi, quand j'ai vu que ça n'avait pas marché au box-office parce que c'est très captivant comme film. Oui. C'est original et puis c'est cool. C'était peut-être à cause que c'était original. Ouais, t'as raison. Ça n'a pas marché. Peut-être passé à TVA, c'est pas. Non, c'est pas le genre de truc que TVA pourrait jouer. Là. C'est beaucoup trop intelligent. Ah, oh, t'es donc pas fin. Mais je t'approuve. Juste avant ça, au début du bloc, nous avons entendu Question Mark and the Mysterians avec 96 Tears. Ça vient du 45 tours. C'est un 2-45 tours qui est paru en octobre 66. Et c'est des One-Hit Wonders, hein, Question Mark and the Mysterians. Mm-hmm. Mais c'est un classique. Ben oui, c'est pas parce que c'est un One-Hit Wonder que ça devient pas un classique. Ben oui, c'est une des pièces les plus connues des années 60. Ben oui, c'est ça. Vraiment. Vous êtes à l'émission Rock Classique et aujourd'hui, nous vous présentons une émission entièrement consacrée à l'année 1966. Et on va rester dans les groupes de garage avec probablement le plus connu des groupes de garage des années 60. En tout cas, c'est un des plus grands groupes de garage des années 60. C'est un groupe d'un plus grand garage. Oui, c'est un assez gros garage. Ouais. Une couple de voitures qui rentrent dedans. Certainement, mon cher. Ouais. Ouais. Je parle de Paul Revere and the Raiders. Moi, j'aime beaucoup cette formation. C'est bien. Ouais, c'est bien. Cette année-là, ils étaient très productifs parce qu'ils ont fait paraître 3 albums. Hein? Oui, dans la même semaine, en plus. Non, le premier est paru en janvier ou février. Le deuxième est sorti en juillet. Ah, je l'ai ici. C'était en février que l'album est sorti, sur lequel on retrouvait janvier. Just Like Us, l'album Just Like Us. Ensuite, Midnight Ride est sorti le 9 mai. Et finalement, Spirit of 67, qui est mon préféré, est sorti en novembre 66. Donc, on va aller entendre des pièces qui ont été des succès tirées de chacun de ces disques, en commençant par Stepping Out, hein? Tout le monde connaît Stepping Out. Oui. Vous êtes sur les ondes de C'est Fou, 89 FM. Yeah! Well, I had to leave town because of Uncle Sam's deal. Yeah. Well, I guess my good loving done lost its appeal. Because when I come back, I heard the bad, bad news. They say our big romance has been getting abused. I'll tell the truth, don't lie to me. Have you been step, step, step, step, step, step, stepping on me? I got ways of finding out. You've been stepping on me. But do me dirt and I'll give you a piece of my mind. I told you once, I told you twice. Stop your cut around or else I'll put you on ice. I'm telling you, baby, what I want you to do. Stop your messing around. I'm gonna step on you. Hey, hey, hey, hey, hey. If I can't be your one and only man, well, I going to your dad and give him back your hand. Yeah. Then I'll call the preacher, tell her choir stay home. I guess you're the kind of woman that's just bound around. I'll tell my two, now don't lie to me. Have you been stepping on me? Tell the truth, child. You've been stepping on me. I gotta know in my heart. You've been stepping on me. I've been checking with all your friends. You've been stepping on me. They'll tell me the truth, honey. You've been stepping on me. Yeah, they'll check. And I'm gonna start stepping out on you. You've been all fucking around town, a little red wagon yours, and seen all them cats. The preacher's son has been stepping out with a cobbler. Yeah, I know, you've been doing all the nightclubs in town. I ain't seen a woman in 69 years, and I've been tired of it. Yeah, I gotta finish stepping out on me. I'm gonna send you away to the waves. And I gotta get some good, good loving. And I've been away too long. I'll start stepping up one side of this town and down the other. So on that magic carpet ride last night. But when you wake up in the morning, the world still gets you uptight. Well, there's nothing better you ain't tried to fill the emptiness inside. But when you come back down, girl, still ain't feeling right. And don't it seem like it's just getting harder to find, and all your kids ain't bringing you peace of mind. Before you find out it's too late, girl, you better get straight. No, but not with kicks. You just need help, girl. Well, you think you're gonna find yourself a little piece of paradise, but it ain't happened yet. So girl, you better think twice. Don't you see, no matter what you do, you'll never run away from here. And if you keep on running, you'll have to pay the price. And don't it seem like it's just keep getting harder to find, and all your kicks ain't bringing you peace of mind. Before you find out it's too late, girl, you better get straight. No, you don't need kicks to help you face the world each day. That road goes nowhere. I'm gonna help you find yourself another way. It's just keep getting harder to find. You don't need all kicks, your girl. Bringing you peace of mind. Just need you help, find girl. Out it's too late, girl. You better get straight. Don't it seem like kicks just keep getting harder to find? You don't and need all your kicks, kicks girl. Bringing you peace of mind. Cause you're aggressive. Girl, your darkness needs to know what I'm all about. Well, there's something that you dig you can't figure out. Well, now you wanna know what moves my soul and what ticks inside of my brain. Well, I've got this need I just can't control, and it's driving me insane. Can't take it, ow, because I'm hungry for those good things, baby. Hungry through and through. I'm hungry for that sweet life, baby, with a real fine girl like you. I can almost taste it, baby, and it's sweet as wine. Wanna own someday with a special place up high. We can stay alone, you and me. Girl, I'm gonna have it all someday if you just hang on to my hand. And if I break some rules along the way, girl, you gotta understand. hungry through and through. Well, I'm hungry for that sweet life, baby, a real fine girl like you. I can almost taste it now. Oh, it's sweet as wine. Well, I ain't gonna waste it now. When it's finally mine, I'm gonna live each minute, really hours and days, till I've had my fill. Oh, girl, I'll be rolling in it. Yes, yes, you know I will. Yes, I will. I'm hungry for that sweet life, baby, with a real fine girl like you. I've got to have a good life. Paul Revere and the Raiders avec trois de leurs succès. Nous venons d'entendre Hungry, ça c'était tiré de l'album Spirit of 67 qui est paru en novembre 66. C'était précédé de Kicks qui nous vient de l'album Midnight Ride, paru le 9 mai 66. Et au début du bloc, nous avons entendu Stepping Out qui vient de l'album Just Like Us, paru en janvier 66. Très productif à cette époque. Paul Revere and the Raiders. Paul Revere qui est décédé il y a quoi? 2-3 ans. De vieillesse. De vieillesse. Ben oui. Et ce qui est surprenant avec ces albums-là, c'est que la qualité d'enregistrement est bonne. Ben oui, vraiment. Ouais. Excellent. Contrairement à The Monks, mettons, là. Oui, oui. Ben, il va y avoir une différence de budget, oui. De budget. Non, mais ça vraiment. Sent bien. Bon, oui, on dirait qu'ils sont avec nous dans le studio. Mais ils l'étaient aussi. Ah oui, ben je les ai manqués. Ben moi aussi. Désolé, je les ai pas vus. On s'excuse. D'accord. Vous êtes à l'émission Rock Classique, et oui, oui, oui, oui, en compagnie de ce malade mental qui est le Dr. Pendragon. Non, non, non. Oui, oui, vraiment, vraiment, non, non. Il est un félon. Et moi-même, allez le faire, cette émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, nous vous présentons une émission très spéciale, puisqu'elle est entièrement consacrée à l'année 1966, qui est une des plus importantes et riches en matière de rock. Et là, on va y aller avec un bloc vraiment grand succès, hein? Je pense que ça allait dire avec un bloc vraiment grotesque. Non, on va entendre les Young Rascals, on va entendre les Easy Beats, première formation de rock d'importance à avoir être sortie de l'Australie. Mm-hmm. Mais tout de suite, on va y aller avec le Dave Clark Five. Ah, oui. C'était des grosses vedettes, le Dave Clark Five, à cette époque. Hein. Ça a été les premiers rivaux sérieux des Beatles. Et on va aller écouter une pièce. En fait, c'est la pièce... C'est le premier 45 tours, le premier disque de rock que j'ai eu dans ma vie. C'est vrai? Oui. Ah oui? Ouais. Est-ce que tu l'as encore? Oui, je l'ai encore. Ah, c'est bien, et ça. Oui. Merveilleux. Et oui. Est-il encore audible? Audible, pas terrible. Non. Pas terrible, mais je l'ai encore. Là, j'étais un enfant lorsque je l'ai eu, alors... C'est hier, ça? Oui. Avant-hier, disons. Récemment. La pochette est un petit peu maganée, il reste que j'y suis très attaché. Donc, on écoute la pièce « Look Before You Leap ». Vous êtes sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. Ouais! You got to look before you leap. There's heartaches around every corner. You got to look before you leap. There's heartaches around every corner. She was oh so fine. Well, she said, boy, I'm gonna love, love, love you for a long, long time. Now I said, oh, wait, ha, wait, oh, wait, oh, wait. You got to look before you leap. There's heartaches around every corner. You got to look before you leap. Heartaches around every corner. Well, she said, right, I'm gonna prove you're wrong. Just you wait and see. Now take my hand and look into my eyes, and you'll disagree. But I said, now wait, wait, oh wait, yes, wait. You got to look before you leave. There's heartaches around every corner. You got to look before you leave. There's heartaches around every corner. Now that she has seen the light, and it was understood. Just the very next day she walked away with someone else like I knew she would. So I said, now look, look, oh, look, oh, look. You got to look before you leave. Believe me, baby, there's heartaches around every corner. You got to look before you leave. I'm telling you now, there's heartaches around every corner. So look, look, look.